le portrait, c'est vrai qu'en fait, ça m'a arrivé comme une évidence. Quoi. Je veux désacraliser le fait que un tableau, ce soit qu'une finalité. Et qu'on regarde de manière, mais comment il a fait ça, etc. Bonjour à tous. Ça dépote est un podcast où l'on rencontre des personnes inspirantes qui peuplent la serre. Mais avant tout, la serre, c'est quoi ? Imaginez-vous à deux pas du bourg de Plougastel. Vous entrez par un petit portail blanc, devant vous un jardin avec une belle pelouse et un joli magnolia. Vous marchez une dizaine de mètres et vous tombez sur une maison. Vous passez ces deux portes, l'une blanche et l'autre en bois. Vous y voilà, bienvenue à la serre. Bienvenue dans notre espace de coworking, mais aussi ce tiers-lieu où germent de nouvelles idées. Je m'appelle Clément Houy, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui je rencontre Camille Auffray, artiste peintre à la serre. Eh bien, bonjour Camille. Bonjour. En tout cas, merci d'être là pour cet épisode. Merci de l'invitation. Alors, pour te décrire rapidement, tu es artiste peintre portraitiste. C'est ça. Comment ça t'est venu ? Alors, pour la petite histoire, ma mère voulait qu'on fasse une activité artistique. Et du coup, elle m'avait inscrit à des cours de piano. Et en fait, elle s'est rendue compte que je dessinais beaucoup mieux que je ne jouais du piano. Après, j'ai pris des cours de dessin, d'abord en collectif. Et après, j'ai une professeure, Satsuko Ono, une artiste japonaise, jusqu'à mes 12-13 ans. Ma mère m'emmenait souvent en exposition. C'est vrai que le monde artistique dans son ensemble a toujours été... la culture, en tout cas, a toujours été... toujours fait partie de mon éducation. Et à quel moment tu t'es dit que ça pouvait être ton métier, justement ? Est-ce que tu t'es dit, dès que tu étais petite, « Ah, je vais être artiste ?» Eh bien non, j'ai un parcours plutôt atypique, professionnellement parlant. Je suis officiellement artiste peintre depuis 2020. Donc, depuis mes 30 ans. Tu t'es lancée pendant le Covid. Je me suis lancée, ouais, 2 mois avant le Covid, malheureusement. Et quand j'étais plus petite au collège, j'étais, passionnée par le dessin. Après, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire non plus. On a vite aussi beaucoup d'envie et beaucoup de choix qui se présentent à nous. Et mes parents voulaient que je reste dans le général. Du coup... je suis restée en filière générale, j'ai fait un bac littéraire, toujours avec option art plastique facultative et obligatoire. Et après, le bac obtenu, je suis partie un an à l'étranger, je suis partie un an en Australie, baroudée, littéralement, savoir parler anglais. Après une succession d'événements et de choses pendant mon voyage, je me suis retrouvée en Belgique où j'ai fait une licence à l'école Saint-Luc de Liège, donc c'est l'école d'art belge, et avec une option illustration. Et de là, j'ai fait un bac plus 3, donc j'ai une formation d'illustratrice. Et c'est d'ailleurs un métier que je reprends petit à petit actuellement. Et après tout ça, j'ai complètement arrêté. Je me suis installée en Bretagne, je suis devenue maman et mon conjoint m'a poussée à me lancer dans ce métier d'artiste peintre. Et à force d'y croire que j'étais légitime de faire ça, et ben, je me suis lancée à la serre. Quand tu le dis, c'était plus illustratrice. Ouais, j'ai fait une formation d'illustratrice, ouais. Et ensuite, tu t'es quand même beaucoup dirigée vers le portrait. Ouais, après, c'était des choix plus dans les beaux-arts. Où là, du coup, j'étais complètement autodidacte. Je veux dire, même si je dessinais quand j'étais petite, tout ce qui est connaissance de l'acrylique, du dessin, d'observation, le portrait, tout ça, j'ai fait en autodidacte. Après, j'ai toujours fait des ateliers de modèles vivants, adolescente, à l'école d'art. La prise de croquis, c'est des choses que ça, j'ai acquis au fur et à mesure. Le portrait, c'est vrai qu'en fait, ça m'est arrivé comme une évidence, quoi. Je ne me suis pas dit, je vais faire du portrait. En fait, quand je regardais tout ce que je dessinais, c'était que des visages. Mmh. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les gens. Donc, le portrait s'est imposé à moi, que j'ai choisi le portrait. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Et donc, c'est principalement aujourd'hui, enfin, les portraits que tu fais, c'est principalement des particuliers ou... Alors, quand j'ai commencé à ce projet professionnel, j'ai d'abord voulu faire un patchwork, un portfolio de ce que je savais faire. Donc, j'ai fait plein de choses et j'ai commencé avec des portraits de célébrités, de personnes ou des personnages inspirants, des séries télévisées, voilà, pour montrer un peu ce que je savais faire. Et après, il fallait un peu de sortir de ça. Et du coup, j'ai proposé aussi de la commande pour les particuliers. Donc, c'est pas forcément faire le portrait de soi. On vient pas me voir en me disant « je voudrais mon portrait ». C'est plus quelque chose d'intimiste qui raconte une histoire, souvent une histoire de famille, souvent un moment de famille qui n'a pas pu exister, ou rassembler plusieurs personnes sur une photo, enfin sur un dessin ou une peinture. Enfin, c'est créer un moment, en fait... particulier et qui raconte une histoire particulière. Donc ça va au-delà de dessiner des dessins, en fait, c'est raconter une histoire. Et ça, je trouve ça chouette. Ça peut être que ce soit, je sais pas moi, le portrait d'une célébrité qui pour la personne est quelqu'un d'inspirant, parce que ça lui parle de ça, ça lui raconte une partie de sa vie, ou alors faire le portrait d'une personne défunte avec une personne qui vient de naître. Voilà, et par exemple, c'est une connexion qui n'existera jamais. Mais on a envie que ce moment soit célébré quand même. Non. Donc, voilà. Mais justement, c'est un des trucs que je me rappelle à un moment, je sais pas, on en avait discuté à la serre, et ouais. C'est un des trucs qui m'avait marqué, que tu faisais, finalement, t'inventais une histoire. En tout cas, j'inventais un souvenir. Ouais, c'est ça, ouais. J'inventais un souvenir, et du coup, c'est vrai que ça m'arrive régulièrement de dessiner des morts. Et en fait, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement en phase. La mort, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de fini. Hein, c'est plutôt de la mémoire. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à vivre. Les personnes défuntes, il faut qu'elles continuent à vivre avec nous, avec les vivants. Et peindre faire leur portrait, bah, pour moi, c'est participer à ce travail de mémoire et... j'adore cette partie de mon travail. Ouais. Ok. Et il y en a. Alors justement, j'avais noté que justement, t'as parlé des célébrités parce que ouais. Justement, on regarde tes galeries, finalement, ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de films, enfin de personnages de films. Du coup, on comprend, on sait qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que tu ne regardes pas. Ouais. C'est ça. Mes goûts. C'est ça, voilà. Mais il y a aussi pas mal avec de portraits avec des coiffes bretonnes et tout. Oui, alors ça c'est une série en particulier que j'ai fait en m'installant à Plougastel et en m'installant à la Serre. Alors moi je suis pas d'origine de Plougastel, je suis pas bretonne non plus. Voilà, c'est dit, c'est fait, on saura tout. Et je voulais créer un lien avec cette ville. Où je m'y sens bien, où j'ai été accueillie chaleureusement. Et en fait, le costume de Plougastel, la langue bretonne, toute cette culture, ce patrimoine breton propre à Plougastel est vraiment propre à Plougastel. Enfin, chaque ville en Bretagne a son propre costume et vraiment le costume de Plougastel... Unique, non ? Unique, et puis surtout, il est... Enfin, c'est quelque chose qui se cultive, quoi. Il y a des fraises tous les ans, il y a un musée du patrimoine et de la fraise. Il y a des costumes de certaines villes qui ont complètement disparu et celle de Plougastel est encore portée. Et c'est un patrimoine qu'il faut continuer à cultiver, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, faut que je participe à ce projet. Enfin, c'est toujours une question de mémoire, finalement. Mon travail, il se porte sur le portrait, mais en fait, il est profondément sur la mémoire et sur l'histoire individuelle et collective. Et du coup, j'ai fait une série en faisant un appel aux habitants qui avaient des photos de n'importe quelle époque de personnes en costume. Donc, il y en a certains qui ont des histoires, il y en a qui sont des inconnus. Et j'ai gardé la même, on va dire, la même technique sur toutes les toiles et les dessins. Et en fait, ça remet à niveau toutes ces archives et ça crée quelque chose de contemporain. C'était mélanger le patrimoine, l'histoire et l'art moderne. L'art du patrimoine et l'art contemporain. Et c'est un travail que j'ai beaucoup aimé parce que ça donnait une autre lecture et ça redonnait une autre direction à quelque chose qui pouvait être des fois vu comme enfin, trop historique ou des fois folklorique et ça parle des enfin c'est pas que ça parle de son charme mais ça a donné une autre lecture quoi du patrimoine de Plougastel. En plus, ça a dû être l'occasion de te rapprocher vachement de Plougastel, finalement, enfin, Ah, de te plonger dans oui. Ah l'histoire bah là, et. c'était. De toute façon, c'était un. J'ai tendu une perche au Plougastel pour être acceptée voilà, parmi eux. Et j'espère avoir été acceptée, mais en tout cas, faire partie de la vie et de l'histoire de Plougastel, voilà, avec cette Cette petite série. pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Et justement, comme tu disais, tu es tombé sur des histoires. Est-ce qu'il y en a qui t'ont pas, enfin, peut-être bouleversé, mais pas. Enfin, Alors oui, il y en a un en fait que j'ai choisi. C'était une photo de groupe et je l'ai isolée sur une grande toile. Et en fait, cette grande toile maintenant, bah, ce personnage qui faisait partie d'un groupe, partie de la photo, est devenu quelqu'un de mystérieux, de concentré. Enfin, on s'invente une autre histoire. Donc là, c'est chouette. Et puis sinon, il y a la petite fille. Qui m'a apporté une photo de son ça, de sa grand-mère ou arrière-grand-mère. Je me pose la question, qui s'appelle Marie Barba, qui était une couturière Plougastel, qui faisait le costume de Plougastel de très connu dans la région. Et c'était une vieille photo, noir et blanc. Ouais. Mais elle avait un regard, voilà, pas breton. Des personnes âgées comme ça en costume, nous regardent et puis c'est sérieux, on n'a pas envie de se marrer du tout. On sait qu'on va apprendre beaucoup de choses et tout et qui sont pas là pour rigoler. Et je sais pas, je la trouvais. C'était une femme qui en imposait quoi. Et je pense qu'en début du siècle, début 1900, bon, ça devait être compliqué de s'imposer comme une femme. Enfin, je sais pas, je la trouvais intrigante et inspirante aussi. Et puis, elle faisait un travail manuel, faisait l'artisanat, voilà. Sans vraiment connaître son histoire en entier, je me suis dit, voilà, ça Oui, pouvait être après, chouette. il y a de l'imagination, mais et après, c'est ton ressenti par enfant, ouais. Ouais, voilà. Après, je fais pas de jugement sur les photos ou les gens. Hein. J'y vais au feeling et puis. Puis franchement, chaque histoire est singulière. Du coup, moi, je suis juste un témoin, quoi. Ouais, oui, tu Voilà. retranscris. Ouais, ouais. Et justement, je trouve ça chouette d'avoir toutes ces histoires et de bah, transcrire ces histoires grâce à un dessin. Ouais, et puis de faire d'avoir un objet d'art. C'est comme quand on parlait avec la commande pour les Ouais. particuliers. On a un objet d'art qui fait partie de la famille et de son histoire et qu'on peut transmettre. Ouais, C'est oui, c'est pas une simple photo qui vrai. voilà ou quelque chose de numérique comme à l'heure d'aujourd'hui. Et Bah, ça prend plus de valeur que la photo qui aujourd'hui, enfin, c'est très facile de faire des photos, mais on les garde pas, enfin, oui, voilà. Et puis il n'y a pas on les trop de imprime valeur. Ouais, c'est ça. plus ou alors sous format de livre. Mais encore, il faut prendre le temps de Ouais. faire le montage sur l'ordinateur. Voilà. Maintenant, tu fais autre que le portrait. Oui, j'ai rajouté des choses. C'est ça. Et donc, notamment, dernièrement, tu viens, je crois, il y a quelques semaines, même pas. Ouais. Tu viens de finir ta première fresque murale au Wake Park de Saint-Renan. C'est ça, exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Ouais, alors j'ai en fait, je l'ai dit au tout début, en fait, j'ai repris un peu des projets d'illustration. Du coup, j'ai accepté des projets d'affiches, des projets d'illustration sur du textile, etc. Et ce projet de fresque, bah voilà, Loïc du Wake Park m'a demandé est-ce que tu serais capable de faire ça? J'ai dit oui. Le mur est assez Oui, grand, alors, oui, le mur est assez grand. Faut savoir qu'il fait 3 mètres sur 12. Et quand j'étais plus jeune, j'avais fait des grands formats de 2 mètres de long que j'avais fait, enfin, que j'avais fait moi-même. Moi, j'étais étudiante. Hein. Je veux dire, quand on est étudiant, on a plein d'énergie pour faire plein de choses. Et puis alors, du coup, comme je me suis habituée à faire de la commande pour les particuliers, je me suis habituée à sortir de ma zone de confort en permanence parce qu'on me demande des sujets que je n'étais pas forcément prête à faire ou que j'ai jamais fait. Et du coup, voilà, je me dis, c'est pareil, en fait. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais y aller. J'ai préparé un visuel, voilà, qu'on a validé ensemble. Un nom, enfin, j'ai défini le process, comment arriver sur combien de jours pour le faire, en espérant que la météo soit bonne. Coup de chance, les jours que j'avais défini pour la faire, il a fait beau. 6 jours de soleil pendant les vacances d'avril, et c'est là où j'ai fait la fresque en 6 jours. Et j'avoue, je ne savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre. Je m'étais mis à peu près... parce qu'il y a 5 couleurs, en gros, dans ce travail. C'était de faire une couleur par jour et le dernier jour, une finition. Donc, c'est quelque chose que j'ai respecté. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. Résultat, j'ai envie d'en faire d'autres. Ah. Voilà, jusqu'au prochain, si on veut bien me prêter un mur. Et oui, il faut savoir que la fresque se trouve sur une façade du Wake Park autour de qui est sur le lac de Saint-Renan. Et il y a un chemin qui fait tout le tour du lac. Et en fait, c'était le chemin... Il y avait beaucoup de passages. Les coureurs le matin, les personnes âgées vers 11h, les familles au milieu d'après-midi qui venaient. Et puis, il y en a qui venaient tous les jours, voir comment ça avançait. Le fait qu'on me regarde peindre, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée parce que... autre chose que je fais et que j'aime beaucoup faire, c'est du live painting. Et le live painting, c'est donc une toile qu'on réalise en direct. Alors moi, souvent, je le fais pendant un événement. J'ai pu le faire pendant des compétitions de sport, à Climb Up au Capucin et au Wake Park de Saint-Renan. Je veux désacraliser le fait que un tableau, ce soit qu'une finalité. Et qu'on regarde de manière « Ah, mais comment il a fait ça ?» etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois que je réalise quelque chose, je fais un time-lapse, une vidéo en accéléré, pour montrer le process et pour montrer d'où je suis partie et où est-ce que j'arrive. Et si j'ai fait un live painting aussi pendant les Journées du patrimoine au Musée de la Fraise. Et puis, en fait, moi, j'aime bien papoter avec les gens. Et d'ailleurs, le fait d'être tout le temps en groupe, même mon atelier est au sein d'un tiers-lieu avec d'autres personnes qui travaillent. Voilà. Et que j'aime pas être toute seule, j'aime pas être isolée, j'aime pas être chez moi. C'est plus rendre accessible en fait mon travail que qu'on me regarde. C'est vraiment, vraiment désacraliser ça. Et puis moi, personnellement, j'aime bien regarder quand je scrolle sur les réseaux. Les vidéos, que comment il a fait, tac, tac, tac. Oui, je trouve que c'est hyper relaxant. Et du coup, je l'applique. Voilà. C'est satisfaisant. Et puis... Oui, et puis c'est vrai que souvent, l'artiste peintre, on a plus l'image de quelqu'un qui est dans son atelier, qui sort seul, jamais. Seul, avec un bazar pas possible. Alors, le bazar, je dis pas, mais seul, pendant des jours, enfermé dans son monde et tout. Ça. Et moi, c'est vrai que j'aimerais donner une autre lecture de l'artiste, en fait. Qui est aussi une vision du monde, mais qui peut être au service d'eux et qui peut être accessible à tous. Revenons rapidement à ton Wake Park. Oui. Si tu pouvais, devais décrire la fresque. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? C'est vrai. Je vais te décrire la fresque parce que on est en podcast. C'est ça. Mmh. Comme ça, en plus, les gens ils vont avoir envie d'aller voir. Ouais. Alors déjà, le wake park, c'est un sport. C'est le même principe que le ski nautique quand on est tracté derrière un bateau, sauf que là, c'est tracté par des câbles. Donc, tout un circuit qui est monté sur le lac. Et on peut être en ski, on peut être... Alors, je vais dire peut-être un gros mot que Loïc n'espère qu'on n'aura pas. Comme un snowboard, mais ça s'appelle un wake. Où voilà, il y a des différentes planches. Après, moi, je suis novice là-dedans, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Lui, ce qu'il voulait dans son projet, c'était de faire une forêt canadienne. Mais quand j'ai regardé le mur, j'ai vu que quand on se mettait pile poil dans le chemin, en fait, on voyait le lac derrière. Et je me suis dit, ce serait trop bien qu'il y ait un effet de perspective, que le lac il continue sur la façade et qu'on fasse la forêt canadienne. Donc sur le mur, droite à gauche, on a le lac de dessiner, une ouverture sur une forêt, et toute la partie de gauche, en fait, on rentre dans la forêt, une forêt de pins, une forêt dense et une belle forêt canadienne. Et il y a au-dessus de la forêt et au-dessus du lac un soleil couchant ou levant ou la lune, c'est comme il veut, parce qu'il y avait un peu débat pendant que je réalisais la fresque. Et en fait, il y a tout un reflet du soleil, des arbres dans le lac. Et si vous y allez, il y a un animal caché. Voilà, je ne dirai pas ce que c'est. Comme ça, ça les, vous... Je l'ai vu dans les commentaires. Voilà, ça sera secret. Mais si vous voulez savoir ce que c'est, il faudra y aller. J'espère qu'il y en aura plein qui vont aller voir. Ouais, ah bah j'espère aussi. J'espère aussi. Est-ce que tu as d'autres projets ? Alors si, je me suis lancée dans une autre aventure, c'est, qui est pas des moindres, mais c'est la customisation d'objets avec Posca. Le skatepark de Plougastel, organisé les Open, donc un championnat de Bretagne sur 3 jours. Et moi, en fait, j'ai fait 3 ateliers de custom de skate et de casque avec Posca et un live painting du skatepark sur ce week-end-là. Et du coup, bah, je me suis lancée à un autre challenge, c'est de customiser, donc faire de la custom de skate, bientôt une planche de surf qu'il faut que je fasse, et des casques skate, mais aussi des casques de wake. Et j'étais pas encore sûre de la fiabilité, mais bon, j'ai réussi à rendre le casque waterproof avec du Posca. Donc je le vernis en fait. Ah oui. Et parce que justement le Posca, ça s'enlève. Bah ça s'enlève, voilà, ça a pas une durée, c'est pas une matière pérenne, quoi. Je mets un vernis en fait dessus, et du coup je fais de la commande pour un particulier en custom. Je vois. Voilà. Bah, en tout cas, j'ai vu quelques casques sur ton Instagram, et très sympa. Ah bah merci. Bah, il faut t'acheter un casque alors, et te mettre au wake. C'est ça. Voilà. Et sinon, on n'en a pas parlé, mais tu donnes aussi des cours de dessin à la PAM. Oui, alors voilà, j'ai réouvert les créneaux. Bon, je ne suis pas très à jour sur les heures et les jours, mais oui, à la PAM, j'ai ouvert un créneau 2 fois par mois, le lundi entre midi et 2, midi 30, 14h. J'ai ouvert un créneau aussi à Plougastel les 2 jeudis par mois. Et donc, c'est des cours collectifs. Et là, c'est le jeudi soir de 8h à 21h30. Et il y a un créneau aussi ouvert, mais qui est plus ponctuel, à Landerneau, le lundi soir de 20h30 à 22h. 20h30 à 22h, le lundi soir, mais de manière plus ponctuelle. Très bien. Et bien, en fait, ça continue dans la lignée de désacraliser finalement les cours de vie. Et puis, alors là, c'est vrai que c'est une autre partie de mon travail. En fait, j'avais vraiment divisé mon travail en 3. Quand j'ai défini mon projet professionnel, il y avait la réalisation d'œuvres d'art, donc des séries, comme les célébrités, comme les costumes de Plougastel. Il y a la commande pour les particuliers. Donc là, ça rejoint plus l'illustration, etc. Et il y a l'enseignement. Et en fait, l'enseignement, eh ben, c'est quelque chose que je découvre. C'est vraiment... un exercice. Alors moi, on commence toujours avec un dessin d'observation, souvent des fruits, des natures mortes, fruits, légumes. Voilà. Ananas aussi, on a fait. Mais et les premiers cours, c'est au crayon gris, noir et blanc. On travaille un peu clair-obscur, l'effet de matière, la forme, etc. Et en fait, le dessin d'observation, c'est vraiment un exercice de pleine conscience. C'est-à-dire que je me rends compte, et puis en fait, moi, c'est la première, c'est pour ça que j'aime bien dessiner, peindre, c'est qu'on est obligé de se forcer à se concentrer sur ce qu'on fait. Et forcément, notre cerveau, il se déconnecte. Au début, à chaque fois, c'est comme ça, quand on est surtout en groupe, ça parle, la frère Mire, blabla, oh, mais j'ai jamais dessiné, je sais pas faire, patati patata. On dit, bon, vas-y, fais, de toute façon, moi, je suis là. Donc, c'est sécure. Ouais. Tu commences à faire. Si t'es satisfait de ce que t'as fait, je regarde. Si t'es pas satisfait, je regarde aussi. Donc c'est cool, on y va tranquille. Et puis après, passer la demi-heure, où j'ai fait les premières retouches et on a passé un peu le stress parce que j'ai jamais dessiné, donc j'avais peur, et ben plus personne ne parle. Ouais. Et on est concentré sur ce qu'on fait. Et les gens sont hyper détendus quand ils sortent. C'est vraiment chouette parce que c'est... c'est de l'art-thérapie, quoi. Se mettre focus sur quelque chose. Et puis, en plus, avoir un retour sur l'estime de soi, parce qu'on a réussi à réaliser quelque chose en étant accompagné. Donc, satisfaction personnelle, détente, Voilà, donc c'est... Et puis après, une fois qu'on a passé cette étape-là, et si on a d'autres cours avec moi, ou si on veut faire un stage, ou si voilà, tout est possible, et ben, on peut essayer une nouvelle technique, on peut s'essayer un sujet en particulier, l'art floral, le portrait, voilà. Il y a une infinité de choses à faire, quoi. Du coup, voilà, c'est aussi très passionnant. Dernière petite chose, du coup, la serre. Ah oui, voilà. Donc, tu as ton atelier donc, depuis, depuis... Janvier 2020. Oui, c'est ça, 2020, tu as ton atelier qui est à la serre. Pourquoi tu as rejoint la serre? Eh bien, parce que je ne me sentais pas légitime dans mon travail. Donc, le fait d'être accompagnée de manière consciente et inconsciente, hein, ça, c'était rassurant. Même si on a tous un travail différent... Quand on est indépendant ou même salarié, eh ben, on peut se retrouver sur les mêmes problématiques. Et c'est arrivé plusieurs fois, dans la cuisine notamment, qu'on parle d'un moment qui ne va pas ou qui va, et puis en fait, enfin, d'une problématique, et que si chacun s'y met met un peu du sien, eh ben, on trouve une solution. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Aussi, des projets communs. Résultat, on fait des événements artistiques aussi. Voilà, le marché de Noël, la Flash Expo, le vue d'atelier. On se met aussi comme un espace ouvert aux autres artistes. Voilà, donc inviter les artistes à exposer, être un lieu d'exposition et d'événements culturels. Donc non, la serre, c'est... Et puis c'est associatif aussi. Faut le voir aussi comme ça. Et beaucoup de bienveillance... de gentillesse et donc moi depuis que je suis à la serre avec le soutien des séries, le soutien de mon conjoint, et ben je me sens légitime dans mon travail, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est en 2023 quand même, donc il y a tout un process quand même pour sentir capable de dire bah je vais ce métier là parce que je suis douée pour ça, ou en tout cas je suis faite pour ça, c'est ce pourquoi je suis là. Ça c'est quand même un long cheminement à avoir. Peut-être qu'après, je ferai autre chose aussi. Tu te verrais comment dans 2 ans? C'est une question, moi, je serais incapable de répondre, je te le dis. Oui. Voilà. Ah bah là, bah, complètement, parce qu'en même temps, je dis... là, je dis oui à tous les projets artistiques qu'on me propose. Donc, j'ai envie de te dire, si ça continue comme ça, je sais pas... je sais pas si... je vais peut-être continuer les fresques, j'avais envie de me professionnaliser au tatouage, tu vois, donc peut-être que voilà. J'ai envie de faire beaucoup de trucs, donc le problème c'est que j'espère continuer dans cette direction-là, mais, et puis avoir plein de projets différents, quoi. Et puis c'est toujours en collaboration avec les gens, donc voilà, moi c'est ça que je voudrais continuer en tout cas. Ouais. En tout cas, avec ta fresque, j'ai imaginé ce que tu pouvais faire sur un bateau, tu vois, genre, ça serait vachement sympa. Ah ouais, ça me rendrait folle de faire ça sur un bateau. Bah. Je dirais oui tout de suite. Ah là là. Écoute, on va pouvoir passer au tirage de cartes. Donc là, je choisis une carte et il y a une question dessus. Non, en fait, tu vas voir, il y a une illustration avec enfin, c'est une illustration, et ensuite, moi, avec un numéro, et je te donnerai un peu la signification. Ok, oh, j'ai peur. Moi, je suis très branchée, ça j'aime bien. Oh, les coraux. Alors, okay. Est-ce que déjà, tu peux la décrire parce que les gens ne la voient pas. Ah oui, alors, du coup, c'est un fond marin. Voilà. La moitié, c'est l'océan et la partie la plus basse, c'est des coraux. Et il y a des petits poissons jaunes et rouges qui montent vers la surface. Et qu'est-ce que ça t'inspire, toi, du coup? En toute honnêteté, Nemo. J'ai lu l'histoire il n'y a pas longtemps, mes enfants. Et là, là c'est le grand bain. Nemo, il va partir et il va se faire pêcher par le... par les humains, c'est la catastrophe. C'est vrai que quand t'as dit poisson, moi je l'ai pas vu, enfin je l'avais pas bien vu. Ouais. Et quand t'as dit poisson, poisson qui sont à côté des coraux, ça fait tout de suite penser à Nemo. Ouais, voilà. Alors, une beauté à protéger à tout prix. Les coraux sont le trésor de l'océan, leur beauté est à couper le souffle et pourtant ils sont si fragiles. Comme nous, ils sont sensibles à leur environnement et souffrent s'il est toxique. il est de notre devoir de protéger cette vie pleine de couleurs. Alors, en termes de signification, ça signifie personnalité originale et riche. Tu es parfaite et on t'aime pour ce que tu es. Allez, ah ça va. Bah, génial. Bah donc, écoute. Je dirais que ça va, c'est une bonne... Oui, ah bah, ça me plaît. Ça me plaît. Mais alors, c'est rigolo parce que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Mais j'avais juste envie de terminer là-dessus, le côté beauté fragile à protéger. Mais comme les corons, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à nos histoires, à notre mémoire, à l'humanité, en fait. Enfin, c'est ça que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de protéger et de pérenniser, en fait, ces choses-là. Le genre humain et tout ce qui nous caractérise, quoi, l'amour, tout ça. Et donc, c'est chouette. Je suis contente d'être tombée sur cette carte parce que, au-delà de dire que je suis parfaite, c'est le côté beauté fragile. Je pense que c'est profondément ce que j'essaye de faire. Et ce en quoi je crois, en fait. Ouais. C'est surtout ça, parce que je crois en la beauté, je crois en l'amour, je crois en l'humain profondément. Ouais. Même s'il est capable de faire des choses horribles, tout à fait en phase avec... Bon, bah, parfait. Merci en tout cas d'avoir échangé avec moi sur ce podcast. Génial. C'est un plaisir. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup. Tu as aimé l'épisode ? Je t'invite à donner ton avis sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast et le partager autour de toi. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve le mardi 4 juillet avec Céline Royer, manageuse et conseillère en immobilier. Je compte sur toi pour t'abonner et partager un maximum ce podcast. À bientôt !